modeste, jamais joué la vedette. Grandi au milieu du vice, ce jeune n'a rien d'autre en tête. Apprends vite que le shit paye et que l'école lui casse la tête. Plus question de collège, mais de défoncer les barrettes. Les années passent loin de chez lui, la gamberge dans la tête. 10 ans à vivre en marche comme si c'était un mauvais rêve. Trouve le courage dans la cam en criant la vie de rêve. Comme beaucoup y perdent pied et fait déjà le tour du cercle. C'est là que l'histoire bascule et que la boucle se répète. Plus il accumule les lignes et plus il croit tenir les rênes. Dans la drogue y'a pas de règles, juste le reflet des faiblesses. Juste le méfait des séquelles depuis qu'il n'est plus le même. Ses frères l'ont lâché, plus un seul qui le comprenne. Peu ressentiront la peine d'apprendre qu'il s'en met dans les veines. Plus aucune conscience le freine, il sait où son destin le mène. Sa vie s'achève dans cette ruelle, trop de poison dans les veines. Trois vices, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester. Trois, trop de haine, trop lourd à porter. Laissez-moi m'évader, m'envoler. Trois vices, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester. Printemps dans la rue, mon aisance rassure. Mon style est pur, dès le réveil, trop de pensées impures. L'obsession de la monnaie fait que l'argent est ma drogue dure. Difficilement séparé, surtout quand les temps sont durs. Trop facile de replonger dans ma tête et le cagoursier. À l'aise avec les chiffres, j'aurais pu finir banquier. Petit, je jouais aux billes, aujourd'hui c'est les billets. Deux autres combines et je rentre dans le deal, ça y est. La mallette au poignet et j'avance tranquille. En restant concentré sur le prochain objectif. Le trafic de fausse monnaie et ses vertus lucratives m'ont ramené de quoi manger. Vouloir vivre dans l'excès, j'ai fini par y rester. Trois vices, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester. Trois, trop de haine, trop lourd à porter. Laissez-moi m'évader, m'envoler. Trois vices, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester. Je me présente dans ses pôles et je viens d'atteindre mes 30 pères. J'aime passer lourd sur mes épaules, fait que tous les jours je gamberge. Je suis d'une famille pauvre, j'ai pas eu la vie de rêve. Non, enfin un père ivrogne, j'ai pas pu connaître ma mère. Grandi au de mes trois pommes, elle est morte d'un cancer. Son absence a laissé place un manque énorme. Un manque de tout, un manque d'amour. Le whisky est un atout pour m'évader de ce qui m'entoure et oublier cette vie de fou. J'apprends le décès de mon pote et je craque à ses obsèques. Un peu plus tard je perds mon job car sa mort m'obsède. Sous mes pieds le monde s'effondre, dans mon cœur c'est la tempête. J'ai plongé dans l'alcool et depuis je m'en pègue. Je fais du mal aux autres pour évacuer ce mal-être. Ma femme a pris la porte et mon gosse avec. J'ai beau chercher l'issue, je n'aperçois que la fenêtre. Je délande, je saute et c'est là que ma vie s'arrête. Trois vies, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester. Trois, trop de haine, trop lourd à porter. Laissez-moi m'évader, m'envoler. Trois vies, trois méfaits, trois personnes délaissées. Trois vies, trois regrets, trois façons d'y rester.